pour terminer la séance de ce matin, nous avons le plaisir donc d'écouter Jérôme Lamy qui a bien voulu répondre positivement à notre invitation, qui lui travaille à l'Université de Toulouse dans le cadre du label Structuration des mondes sociaux et qui est l'auteur d'une thèse que les modernistes de la salle au moins connaissent sur le même thème, donc a été publié aux presses universitaires de Rennes. Et donc sa communication s'intitule, ce qu'il va nous dire s'appuie sur un texte qui s'intitule plus exactement « Les astronomes toulousains et la République des lettres au XVIIIe siècle, mode de communication et structure des réseaux ». C'est à vous. Merci beaucoup, pardon pour ma voix qui j'espère va tenir jusqu'à la fin de mon intervention. Merci pour l'invitation, c'est vraiment tout à fait passionnant de parler de réseau, surtout que moi, la manière dont je vais en parler va être très très différente. Cette recherche, en fait, est extraite de ma thèse sur l'histoire de l'Observatoire de Toulouse et du coup au XVIIIe et XIXe siècle. Dans ma thèse, j'abordais de manière très oblique la question des réseaux, beaucoup plus oblique que maintenant où je travaille notamment sur les copublications entre doctorants et directeurs de thèse et membres de jury de thèse pour comprendre comment se fait l'insertion des doctorants par l'acte de copublication. Et là, j'ai un usage beaucoup plus subjectif et beaucoup plus oblique, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'étais parti d'une définition, alors pour le coup, très, très dure de ce que pouvait être un observatoire, parce que j'avais un problème avec comment étudier un objet comme un observatoire sur deux siècles. C'était un peu l'histoire du couteau dont on change le manche, puis dont on change la lame, et à la fin, est-ce que c'est toujours le même couteau? Parce que mon observatoire avait changé. Et donc, l'idée était de caractériser un peu avec des grandes lignes ce que pouvait être un observatoire. J'étais parti d'une définition foucaldienne de l'hétérotopie pour dire l'observatoire, c'était un espace autre dans lequel se redéployaient différemment un certain nombre de rapports sociaux, de rapports au savoir, et qui étaient organisés selon des dimensions, ce que j'avais appelé un espace savant dimensionné, avec une architecture, une instrumentation, des pratiques, des rapports au pouvoir et des réseaux. Et donc là, dans cette partie, j'avais analysé au XVIIIe siècle, on va dire, le grand régime de savoir qui pouvait caractériser l'observatoire, que j'avais appelé le régime aristocratique, qui se caractérisait par un investissement individuel et personnel fort et la recherche coextensive d'une reconnaissance savante qui était aussi localement un adoubement élitaire. Alors c'est pour ça que parler de réseau pour deux personnes, ça peut paraître incongru, puisque j'avais deux astronomes principalement. Le premier qui s'appelait François Garipuy, qui était directeur des travaux publics de la Sénéchaussée de Toulouse, et l'autre qui s'appelait Antoine Darquier, qui était receveur alternatif des impositions de la Généralité d'Auch, qui sont membres de l'Académie des sciences de Toulouse, dont cette assise locale est particulièrement importante pour la question des réseaux, qui sont correspondants de celle de Paris. Ça ne s'est pas fait comme ça, et ça fait partie de l'analyse de mes réseaux. Et ils ont tous les deux des moyens financiers particulièrement conséquents. Darquier est la deuxième plus grosse fortune de Toulouse. Et donc, ça leur permet de construire leur propre observatoire au-dessus de leur maison. Donc, dans le texte que j'avais proposé, ce que j'essayais de comprendre, c'est comment des observateurs de province réussissent à se faire admettre dans ce qu'on appelle, alors là aussi, problème de définition, la République des lettres, la communauté savante, la cité savante. On va dire que même après avoir écrit récemment un papier pour la revue Littérature sur qu'est-ce que c'est que la République des lettres, j'ai l'impression que j'en sais encore moins qu'avant d'avoir écrit le papier. On en est tous là. L'ordre scientifique, qu'on peut dire qui s'ébauche à l'époque moderne, est notamment caractérisé par une nouvelle définition du savant soumis au jugement de ses pairs. On va dire que c'est une définition minimale de ce que peut être la République des lettres, mais c'est une définition mertonienne qui me convient bien, dans le sens où elle suppose deux exigences parallèles qui vont structurer cette communauté savante. D'abord, les observations sont rendues publiques, et là je renvoie au très beau travail de Christian Licop, sur la discursivité des expériences, et d'autre part, la communauté scientifique s'impose comme un tribunal de la preuve, avec des procédures d'acceptation ou de refus, Kiff Gingras a bien montré dans le cas de la mathématisation, notamment des sciences physiques. Ce sont deux aspects associés, articulés, qui permettent l'émergence de réseaux scientifiques, et ce que j'ai examiné dans un premier temps, pour reprendre ce que disait Claire Lemercier tout à l'heure, ce sont, on va dire, les tuyaux, la matérialité. À l'époque où je faisais ma thèse, j'étais dans un laboratoire de sociologie à Toulouse où il y avait beaucoup de pragmatistes, voire d'ethnométhodologues. Donc j'ai eu à travailler avec des gens pour qui une interaction avec deux personnes était déjà largement suffisante pour parler d'un réseau. Et du coup, ça m'a énormément influencé, positivement, je veux dire, c'est-à-dire dans le sens où j'ai aussi pu prendre de la distance avec ça. Donc, je me suis intéressé à la correspondance, savante ou non. On avait une circulation d'écrits, une transmission d'informations pour les astronomes toulousains qui était importante. Et surtout, j'ai assez vite remarqué que la communication savante, la correspondance savante n'était jamais amorcée par les astronomes eux-mêmes. C'est toujours l'Académie des sciences locales qui joue un rôle dans la genèse des échanges et des échanges de missives. Puisque les échanges institués sont institués, ça permet à d'autres astronomes de s'y introduire ou de s'y agréger. J'avais le cas d'astronomes qui, par exemple, parisiens, refusaient de répondre à un astronome toulousain parce qu'il n'était pas passé par son Académie des sciences locales. À partir du moment où il avait l'adoubement de son Académie des sciences locales, là, il acceptait de lui répondre. Le contenu des lettres, en fait, c'est le travail quotidien, les recherches en cours. J'ai eu la chance de tomber sur un fort volume de correspondance de l'astronome Antoine Darquier à la Bibliothèque universitaire de Bâle avec le savant bâlois Bernoulli. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir un corpus d'environ 80 lettres. Alors, uniquement celles de Darquier. Je n'ai pas les réponses de Bernoulli, malheureusement. Le corpus me paraît à peu près complet. Correspond en gros aux dates où ils prennent connaissance. Et la dernière lettre, c'est peu de temps avant la mort de Darquier. Donc, ça correspond. Et effectivement, ils s'envoient des informations. Alors, j'en citais sur occultation de planètes, mesure des positions. Ils l'informent, par exemple, à un moment donné, Herschel découvre Uranus. Ça fait énormément, on va dire, on a beaucoup de correspondances à ce moment-là qui se mobilisent sur cette info, cette information. Et effectivement, il écrit à Bernoulli, Darquier, pour lui dire qu'il va profiter de ses premiers moments libres pour chercher cette planète. Donc, on voit là une communication réciproque. C'est aussi, c'est le véhicule privilégié de la reconnaissance et de la sociabilité, évidemment. Le voyage, c'est le deuxième véhicule, on va dire, mode de circulation de l'information savante. Et j'ai été surpris parce que je ne pensais pas. Alors j'en avais discuté avec Daniel Roche à ce moment-là, qui m'avait dit, vous allez voir, ils vont partout, vos astronomes. J'avais dit oui, pourquoi pas, mais enfin, les premiers éléments que j'avais ne me laissaient pas penser qu'ils allaient partout. Et effectivement, ils allaient à beaucoup d'endroits. Alors, ils y allaient d'abord parce qu'ils avaient des fonctions, que ce soit en tant que receveur alternatif de la généralité d'Auch ou en tant que directeur des travaux publics, a fortiori, de la Sénéchaussée de Toulouse et de Carcassonne. Ça leur faisait on va dire des conditions pour voyager. Mais malgré tout, il y avait des voyages purement astronomiques. J'ai pu compter, par exemple, des voyages de Darquier en Angleterre. Malheureusement, je soupçonne une correspondance entre lui et Herschel, mais je n'ai jamais réussi à la retrouver, même à la Société royale d'astronomie. Mais en tout cas, il est allé en Angleterre. Gary Puy est allé voir, en tant que directeur de la Sénéchaussée, la technique dite de la vis sans fin pour assécher les marais en Hollande. Il est présenté maintenant à l'École des mines comme le redécouvreur français de la vis sans fin, alors que, bon, évidemment, il y avait partout, bien ailleurs en France, des techniques de vis sans fin. Mais le fait qu'il ait fait ce voyage, qu'il en ait fait la publicité, lui donnait une plus grande aura. Troisième mode de circulation, évidemment, la publication, donc il y a les relations girovagues, hein, troisième mode de communication, on va dire tout ce qui est de l'ordre de la publication. Alors évidemment, il y a les gazettes qui sont énormément lues, c'est un truisme, et ensuite la publication. Alors là, c'est quelque chose qui est spécifique à Toulouse, puisque en fait, le premier volume de l'Académie des sciences de Toulouse n'est publié qu'en 1782, sachant que l'Académie des sciences de Toulouse commence ses travaux dès les années 1730. Donc on a un énorme retard, si bien qu'il y a un des astronomes, Antoine Darquier, qui est le plus riche, qui décide par lui-même de publier lui-même ses propres observations. Il va publier l'intégralité en deux volumes, plus un supplément. Mais ce que j'ai réussi à montrer, c'est que son insertion dans l'économie du livre, et notamment ses rapports aux libraires, sont particulièrement houleux, et je fais mise. Il considère systématiquement que son ouvrage circule mal, et ça occupe une place vraiment prépondérante dans ses correspondances. Son ouvrage n'est pas diffusé convenablement. Alors après, moi, j'ai cherché dans quelle bibliothèque il était, et effectivement, il a lui-même à vérifier systématiquement si son ouvrage était bien distribué. Donc on mesure combien les supports exploités par les astronomes du XVIIIe siècle pour faire connaître leurs travaux sont alors nombreux, divers, mais que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Claire Lemercier tout à l'heure, la question de la fluidité qui souvent, parfois, pour des gens qui viennent comme moi d'une histoire des sciences marquée par les science studies, où on vous dit que tout est fluide et tout circule, la fluidité n'est pas une évidence. et que les conditions matérielles de circulation des informations signalent, font signe vers la structure même des réseaux. Et j'en viens maintenant à ce que j'ai appelé l'architecture des réseaux, un peu pompeusement. Donc, évidemment, on a un espace des échanges, et j'ai essayé de reconstituer. Alors, je n'ai pas fait de graphique. À ce moment-là, probablement les autres méthodologues y sont pour quelque chose, mais je n'ai pas cédé à l'envie de faire un graphique, parce que faire un graphique avec uniquement quelques correspondants, je trouvais que ça n'avait pas plus d'intérêt que de le raconter. Donc, du coup, voilà, j'assume une réticulation sans image. Évidemment, si l'on excepte Paris, le réseau d'échanges que vont développer les astronomes toulousains est limité au sud de la France. Et il va dépendre, bien sûr, des observatoires. Les observatoires du sud de la France ont des conditions climatiques plus favorables. Donc Marseille va être un centre d'échange privilégié, d'abord avec les jésuites, puis ensuite ceux qui vont prendre la suite. Les relations avec Montpellier sont beaucoup plus complexes, parce que là, on est vraiment dans une situation de concurrence, parce qu'on a un recoupement des réseaux astronomiques et académiques, et ça crée une situation de tension dans une perspective, alors ouvertement annoncée comme telle, de domination sur le Languedoc. Évidemment, on ne peut pas penser la République des Lettres sans la capitale et le centralisme parisien. Alors on a beau se dire, quand on commence une recherche, qu'on ne cédera pas au tropisme de la centralité, on est quand même bien obligé de faire face à l'évidence. Évidemment que c'est le point de convergence de la République des Lettres et de la communauté des astronomes, puisque l'Académie royale des sciences, mais aussi l'Observatoire de Paris, en fait, qui va un peu décaler les correspondances, puisque c'est davantage avec l'Observatoire de Paris qu'avec l'Académie des sciences qu'on va avoir des réseaux. Et par exemple, dans le titre de sociabilité qui s'ébauche, les astronomes toulousains sont appelés à devoir être des intermédiaires très directs dans la distribution de mémoires ou d'ouvrages qui, par exemple, signale une prochaine comète et sur laquelle on voudrait des informations, ou signale une prochaine éclipse et sur laquelle on voudrait des informations. Donc, ils sont une espèce de relais. On a une lettre comme ça de Nicolas Delisle, qui est astronome à Paris, qui envoie à Gary Puy à Toulouse une lettre en disant « Je vous envoie quelques autres exemplaires pour les autres astronomes que vous connaîtriez dans les provinces méridionales. » Donc, ça, c'est le réseau, on va dire, national, mais il y a un réseau aussi qui s'ébauche et qui ne s'arrête pas aux frontières du royaume. Je l'ai dit... Darquier est allé en Angleterre, a rencontré Herschel, Hornsby, et surtout il a l'idée, alors il évoque cette idée sous la forme d'une satisfaction de son ego, de devenir correspondant de l'Académie de Berlin. Il dit que, alors il a des mots assez dramatiques, enfin il dramatise un peu sa situation en disant qu'il est exilé dans le fond d'une province sans nom, qu'il observe bien sûr, mais sans aucun motif d'émulation, et donc il écrit à Bernoulli, son correspondant à Bâle: Je vous mentirais si je vous disais que mon admission dans votre illustre académie, donc l'Académie de Berlin, n'aurait pas infiniment flatté mon amour-propre. » Donc on voit là, et bien sûr qu'il y a la libido sciendi, il y a une dimension d'appartenance à un monde savant, mais il y a aussi ce qui se joue de l'ordre des affects et des passions, et qui vont polariser un petit peu, en quelque sorte, l'attention de Darquier. Gary Puy, a priori, alors évidemment, Darquier, ben, il ne va pas réussir à se faire élire, et il en éprouve une forte amertume. Son nom n'a pas franchi les limites du royaume, et donc il échoue. Il échoue dans sa possibilité de se faire admettre à l'Académie de Berlin. Gary Puy paraît beaucoup plus en retrait dans cette maîtrise, on va dire, de l'espace européen, mais il n'en demeure pas moins qu'il est très attentif aux mutations de la géographie savante. Il donne un mémoire sur une comète en 1779, et il se montre très informé. Il nous dit... Par exemple, qu'il a lu l'ouvrage très ingénieux de M. André Oliver, imprimé en 1772 à Salem, dans la Nouvelle-Angleterre. « C'est du Nouveau Monde, écrit-il, que nous vient cet ouvrage sur les comètes. Et il a été précédé de plusieurs découvertes répandues dans les transactions philosophiques de la Société de Philadelphie. » Et il conclut avec une interrogation qui donne bien l'idée qu'il a de la nouvelle distribution des foyers de production savante. Il écrit « Les sciences commenceraient-elles une nouvelle transmigration vers l'Occident ?» Donc, on voit que les astronomes n'ignorent pas les bruissements de la République des Lettres. Ils en connaissent les contours, en saisissent l'extension géographique. Ils restent assujettis à la capitale, mais ils vont tenter de contourner le centralisme parisien, notamment par leurs voyages et par les tentatives, comme Darquier, d'accéder à une notoriété internationale sans parvenir à ses fins. Il touche ici aux limites de sa stratégie expansive et ne peut pas rivaliser avec une position parisienne. Donc, en conclusion, je voulais dire que l'organisation des réseaux scientifiques s'appuie sur des codes précis à ce moment-là, parce que c'était ma question dans la thèse: quels sont les codes que peuvent révéler ces réseaux? un savant peu connu doit redoubler de prudence dans, dans la présentation de ses travaux et s'appuyer sur des savants plus connus pour intégrer le réseau. Les hiérarchies sont implicites. Un astronome de province aura beaucoup de mal à pénétrer les cercles savants étrangers. Et c'est aux astronomes qui souhaitent entrer dans la cité savante, non seulement de produire des travaux qui sont en conformité avec, évidemment, l'administration de la preuve, mais aussi de saisir toutes ces logiques tacites, plus ou moins tacites, à l'œuvre. La reconnaissance tant attendue et l'adoubement par les pairs passent par une incorporation des valeurs de la République des Lettres, et les réseaux scientifiques dans leur forme, mais vu de Toulouse, hein, leur structure et l'économie morale qu'ils forgent tracent en creux les éléments fondamentaux de ce qui définit au XVIIIe siècle l'identité du savant. Merci. Thank you.